say. And we say things we don't do. In the history books we wanna crave our name, 'cause we know the winner's rules, but we already paid a game. Maybe we lie about a few things, 'cause we know we take more than we give. Maybe we screwed up everything to be the new gods, the high kings, but we live in a cage. We live in a cage. The game we play is the way we die. We build the walls like we draw a line. Killing animals, silent genocide. Selling a lie to stay alive. Avant toute chose, j'aimerais que tu nous présentes le groupe, donc sur le qui fait quoi en fait dans le groupe. Alors Edkiss, c'est un groupe de rock alternatif, rock metal alternatif, on se situe un petit peu entre les deux. Donc il y a Timothée Bertram qui est à la guitare, qui fait des chœurs aussi en live et sur l'album. Baptiste Willaume qui est guitariste également et qui fait des chœurs. On a Sylvain Molina à la batterie et Benjamin Michel à la basse. Et moi-même, du coup, Edge, ou Adrien Girard, au chant, et qui compose et écrit également, et les graphismes et tout, un peu tout. Bon, sur le dossier de presse, moi, j'ai vu, il y a deux batteurs qui sont notés, un studio et un live. Alors, en fait, à la base, c'était Clément qui donc Clément était dans le groupe. Donc on a enregistré l'album ensemble. Et puis après, on s'est séparés en fait. Lui, il a continué ses projets annexes aussi. Et nous, du coup, on a continué avec Sylvain qui est rentré dans le groupe après. Donc en fait, c'est pas vraiment un batteur live et un batteur studio. C'est juste qu'on a changé de batteur en fait depuis. Alors j'ai vu qu'on classait votre musique dans le post-grunge. C'est une étiquette un peu floue pour moi, ça, le post-grunge. Pour faire plus simple, comment toi tu qualifies l'univers Atkins? Disons que oui, alors le post-grunge en fait c'est un piège. Du coup on avait collé cette étiquette en fait parce qu'on voulait pas coller d'étiquette à la base. Mais forcément, que ce soit les médias ou même en termes de promo, on est toujours obligé d'avoir une étiquette qui nous correspond en fait. Donc du coup on avait mis post-grunge en fait parce que du coup c'était un peu flou. Il y a quand même des ambiances grunge dedans. Qui rappelle un petit peu le Nirvana années 90 et tout. Mais oui, ce qu'on fait, en fait, c'est encore plus large que ça, parce que c'est plus dans le rock alternatif. Il n'y a pas vraiment d'étiquette. On fait du headkiz. Donc le groupe s'est formé en 2020. Comment ça a germé, c'est dans ta tête, l'idée de monter un tel groupe? Ouais, c'est vrai que moi, j'ai commencé à composer les morceaux et les écrire il y a longtemps, hein, il y a au moins 4 ans. Que ça a commencé à germer. Donc j'avais commencé tout seul au début et c'était censé être la suite de Schizophrenic Conversation, donc mon précédent album solo. Et puis au fur et à mesure que je composais le projet et tout, j'avais envie de le faire sonner différemment et je trouvais que ça collait pas à l'image que j'avais pu donner un peu plus pop dans mon précédent projet. Et vu que c'est quand même un projet qui parle beaucoup de... Comme t'as pu le voir, hein, on est très très proche des fans sur les réseaux, on répond à tout le monde, on met vraiment une importance là-dessus. Je me disais que ça pouvait pas être représenté par une seule image, tu vois, enfin une seule personne, mais qu'il fallait quelque chose d'assez collaboratif finalement dans ce projet. Et donc du coup, l'idée de faire un groupe en fait est née. Donc du coup, on s'est appelé, ça s'est fait par du bouche à oreille. Hein. Donc l'ingénieur son... avec qui je travaille depuis des années, m'a d'abord fait rencontrer Clément, donc le premier batteur. Et après, lui, il connaissait Baptiste, qui est le guitariste. À côté, j'avais démarché du coup Timothée, à la guitare, qui lui connaissait bien Benjamin. Et du coup, ça s'est fait comme ça, on s'est rencontrés, on a parlé du projet, tout le monde a accroché. Et du coup, on a décidé de faire naître cette aventure ensemble. Donc du coup, le concept de cet album, tu l'avais déjà en tête avant de créer le groupe. Est-ce que tu as créé le groupe en te disant... J'ai telle idée de l'album et il me faut tel ou tel musicien ou pas? C'est vrai que l'idée de l'album dans son ensemble, c'est-à-dire un album concept en deux parties sur ce thème-là particulier, c'était pas vraiment construit avant. Ça s'est fait au fur et à mesure en fait. Mais sinon, les morceaux, la musique était déjà faite en tout cas. Donc, ça ciblait déjà très bien quand même ce qu'on voulait, quoi. Cet album, il est construit donc comme une dystopie. Je suppose que la crise sanitaire qu'on a vécue ces dernières années a été pour toi une grande source d'inspiration pour écrire les morceaux. Ah oui, c'est sûr. C'est clair. En fait, c'est là que j'ai... parce que bon, il y avait des morceaux qui avaient été faits avant, enfin du moins des maquettes, vraiment des idées, quoi. Mais j'ai concrétisé le projet, donc au niveau des textes, notamment, pendant cette période-là. Et effectivement, donc ça se ressent dans les textes aussi, ce côté où on est isolé, où aussi on a... Donc j'ai voulu mettre un accent très important sur l'écologie, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte à ce moment-là qu'en fait, quand il n'y avait plus l'empreinte de l'homme sur la planète, en fait, quand tout le monde était en stand-by, la planète pouvait se régénérer toute seule, et ça, c'était vraiment un truc marquant que je voulais mettre en avant aussi. Non, je voulais connaître à peu près le thème principal de l'album, qu'est-ce qu'il raconte en fait, en gros. C'est dystopique, mais c'est... Bon, ça va paraître un peu pessimiste ce que je vais dire, mais il est assez réaliste finalement. Ça paraît être une dystopie, mais c'est très actuel en fait. C'est un peu ce qu'on vit maintenant, donc ça parle de fin du monde évidemment. C'est très pessimiste dans ce sens-là, mais ça met l'accent sur plein de thématiques comme l'écologie, comme la religion aussi, comme le premier single, hein, je parle de ça surtout parce qu'il y avait le premier single qui est sorti. Plein de trucs qui sont reliés à l'homme directement en fait, et à son empreinte. Donc 8 parties, 8 chansons, est-ce que ces chansons, elles sont indépendantes les unes des autres, ou est-ce qu'il y a une suite logique entre elles qui permettrait qu'on ne puisse pas écouter l'album autrement que dans l'ordre? Non, on peut l'écouter autrement que dans l'ordre, ils ne se suivent pas réellement. Surtout qu'en plus, petit spoiler, mais en gros, la partie 1 va correspondre à la partie 2. C'est pas une suite, mais c'est des morceaux qui se complétaient, en gros, en quelque sorte. Pas trop sur les thèmes, mais... plutôt harmoniquement, et on a un peu un effet miroir, on aura un effet miroir dans le deuxième album, un petit peu. Après, non, il y a quand même quelques titres qui doivent s'écouter dans l'ordre, comme par exemple les trois derniers, parce qu'il y a un interlude au milieu qui annonce le morceau d'après, donc lui c'est l'intro du morceau d'après. Donc dans ce sens-là, oui, mais après sinon, non, on peut l'écouter quand même dans l'ordre qu'on veut. On peut parler d'un concept album ou pas? Ah oui, totalement, hein. Ouais, oui, que ce soit dans les graphismes ou dans l'idée même globale que l'album veut... Enfin, que l'album traite, quoi. Et l'idée, à notre époque, de faire des concept albums, parce qu'on n'en voit pas souvent, ça t'est venu comment, ça? Ah, moi, j'adore, hein, parce que je viens du rock et métal progressif, à la base. Donc, du coup, bah forcément, tout ce qui est progressif, c'est souvent un concept qui régit le truc. Donc moi, j'adore ça. Hein. Je suis un grand fan de Tool, par exemple. Perfect Circle, ce genre de groupe où il y a un gros côté mystique, on va dire, dedans. Donc forcément, bah c'est voilà, hein, King Crimson, tout ce qui est progressif, j'adore moi. Hein, tout ce qui s'essaye en fait à créer quelque chose de nouveau, ça m'intéresse vraiment. Bon, alors donc cet album, il fait la part belle aux diverses chroniques. Hein, c'est un peu chroniqué partout. C'est un truc de fou. Je crois même qu'on en parle à Mexico. J'ai vu sur votre Facebook, je crois. On a vu ça l'autre fois. Ouais. C'est assez incroyable. Quel est ton retour, toi, sur ce disque? Comment tu vis ça? Bah moi, je suis très surpris en fait. Je dois avouer, parce que en fait la veille de sortir le premier single, parce que du coup on est un groupe, on est un bébé, hein, on vient d'arriver, on vient de débarquer il y a 4 mois, quoi, en fait, tu vois. Donc du coup la veille de sortir Killing God, le clip, j'avais vraiment d'énormes doutes en me disant, si ça se trouve on va se vautrer, peut-être que les gens vont pas comprendre ou que ça va pas le faire, tout simplement, quoi, tu vois, parce que c'est compliqué, hein, dans le milieu de la musique, on est tellement nombreux que pour se démarquer, c'est très difficile. Mais là, du coup, on a voulu faire un truc honnête. Et finalement, bah, c'est ce qui a payé. Donc, moi, je suis super content des résultats. Le premier, rien que le premier jour, on a sorti le single. On est passé directement en coup de cœur dans Rolling Stone France. Voilà, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie, même avec tous mes autres projets avant. En plus, on n'existait pas. Enfin, tu vois, c'est incroyable, quoi. Et du coup, ouais, bah c'est, je dirais, ouais, surpris. Et on n'y croit pas encore, en fait. Est-ce que ça change le quotidien du groupe, ça? Bah, disons que ça met du challenge, ouais. Bah, ça met la barre haute direct, parce que le truc, c'est quand t'arrives avec un premier album que t'existes pas avant, tu vois, c'est tapé fort direct, quoi. Donc, du coup, faut garder cette dynamique-là, et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail derrière. Il y a énormément de réflexion, il y a des années de réflexion derrière ce projet. C'est pas un truc qui s'est lancé comme ça, quoi. Donc, du coup, moi, je suis super content, parce que c'est aussi une énorme reconnaissance pour tout le travail qui a été engagé. Donc, ouais, on est trop content, quoi. Est-ce qu'il y a du visuel sur scène, façon, tu sais, Pink Floyd, The Wall, vous avez fait tout un spectacle. Après, est-ce que toi, tu t'as envisagé ce truc-là? Oui, alors pour l'instant, vu qu'on on a fait parce que là on a fait quoi pour l'instant, on a fait une dizaine de lives, je dirais. On n'a pas fait encore vraiment de grosses scènes. La plus grosse scène qu'on a faite, c'est la SMAC de Paloma à Nîmes, bon, qui est quand même pas mal, hein. Mais on n'a pas encore travaillé de vrai show. Enfin, nous, en fait, on fait le show, mais sans truc superflu, en plus, tu vois. On n'a pas travaillé de light, de trucs comme ça, en fait. C'est vraiment, on se met, nous, notre énergie, en fait, au service du live, quoi. Donc, du coup, bah, ça nous fait transpirer deux fois plus, hein, sur scène, c'est clair. Mais du coup, c'est cool. Mais oui, un jour, j'aimerais bien avoir, ouais, vraiment une scénographie, quelque chose de très écrit. Mais en même temps, je veux garder ce contact avec le public. J'aime pas l'idée, en fait, de... Tu sais qu'un public, quand il vient te voir... Ben, j'aime bien garder cette idée-là que nous, en fait, on vient voir le public aussi. En fait, on vient à leur rencontre, c'est un échange, c'est pas, voilà, tout le monde vient voir Elkiz. Non, non, non, on vient tous se voir, en fait, quoi. C'est une rencontre, et je veux garder ce truc-là qui, moi, je trouve, c'est vraiment important parce que c'est le public qui fait que t'en es là aussi. C'est grâce à eux qu'on est porté comme ça aussi. Hein. C'est grâce à l'intérêt général, quoi. Donc du coup, bah, on leur doit, on se doit d'être très proche d'eux. Enfin, c'est ma vision des choses en tout cas, mais ça, je veux pas le perdre. Donc de se cacher derrière une énorme scénographie aussi, ça peut être un peu plus impressionnant et ça peut peut-être couper aussi cette relation avec les gens. Et des idées genre adaptation en vidéo, en film, en livre ou autre. Ah, j'adorerais faire un film sur l'album. Ça. Moi, je suis un grand cinéphile, hein, donc je mange énormément de films. Et oui, un jour, j'aimerais bien faire ce genre de truc, quoi. Carrément. C'est pas dans les tuyaux du tout, mais j'aimerais beaucoup. Qui dit chapitre 1 dit forcément chapitre 2, où est-ce que vous en êtes sur la deuxième partie? Alors le chapitre 2 en fait a déjà été enregistré en même temps que le chapitre 1, donc il est pas mixé, il est pas masterisé ni rien, on n'a pas planché plus dessus, mais on a fait toutes les prises en tout cas, donc il y a un moment hein, en même temps que l'autre, pour garder cette même couleur de son, donc ce qui fait aussi que Clément par exemple qui n'est plus dans le groupe maintenant, fait aussi les batteries du deuxième, parce qu'il les a enregistrées avant. Donc du coup, en fait, ouais, on voulait pas qu'il y ait de cassure entre les deux albums, même si le deuxième sera très différent, quelque part. On voulait quand même garder ce son, ça va être reconnaissable. On va savoir que c'est une suite, on va le sentir, c'est les mêmes guitares, les mêmes... Voilà. Alors sur votre chaîne YouTube, on trouve des vidéos numérotées en chapitres. Elles relatent les moments importants du groupe. Hein. Je crois que j'ai cru repérer ça. En plus de ça, elles nous impliquent directement dans le projet. On arrive à suivre étape par étape. C'est important pour toi, ce partage de ces instants avec le public, avec nous. Ouais, c'est super important. C'est bien enfin pour moi, hein, c'est d'emmener les gens qui nous suivent aussi dans notre univers, de voir aussi que bon, derrière un projet qui peut paraître très très sérieux comme ça, il y a aussi de la déconne, il y a aussi de la recherche, il y a des moments entre potes, il y a une vie, quoi. Enfin, c'est un groupe qui vit, on est un organisme, quoi, on va dire. Donc ouais, je trouve ça important. Et puis aussi, ça, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, ça casse ce côté de peut-être c'est pas du tout pour faire prétentieux, hein, que je dis ça, mais de rockstar, peut-être, tu sais, où on peut vraiment se couper du public pour dire voilà, on fait du rock, on n'est pas content, ben non, on fait de la musique, on fait ce qu'on aime, on aime la partager, et ça, c'est une manière d'inviter les gens à nous rejoindre aussi dans notre univers, quoi. Vous avez clippé le titre Killing God. Donc aujourd'hui, c'est plus de 20 000 vues, 26 000 vues, je crois, c'est pareil. Donc tu t'attendais à ça? Pas du tout. Dans ce clip, on vous voit en noir et blanc sur fond blanc uniforme. Pourquoi ce parti pris de sobriété? Parce que c'est toute la direction artistique du projet est basée sur le noir et le blanc. Et on voulait aussi casser cette image, mais je pense que c'est pour ça que ce clip a plu. Alors ça, c'est ma petite réflexion personnelle, hein, mais c'est que quand on écoute le morceau, on s'attend à des notes chaudes, tu vois, comme ça fait un peu, ça pourrait faire western un petit peu, on imagine du sable, tu vois, ce genre de truc. Mais quand on regarde le clip, en fait, ça nous donne une autre vision, mais vraiment à l'inverse total, quoi, de ce que l'imaginaire aurait pu penser, en fait. Et c'est ça qui est marrant, en fait, dans un clip. Enfin, un clip, souvent, ça impose, mais c'est comme un film, hein, quand on compare un livre et un film. Le film va imposer, en gros, une certaine vision sur les choses, alors que le livre va laisser l'imaginaire faire tout, enfin, créer lui-même ses propres images. Et là, pour un clip, bah, quand on écoute la musique toute seule, on se fait dans son imaginaire son propre scénario, en gros, quoi. Et le clip permet de donner une direction, en fait, un peu prédéfinie, quoi. Et du coup, bah, le fait de casser que l'imaginaire a pu construire avant, je pense que c'est pour ça que le clip a eu un bel accueil, parce que les gens s'attendaient pas à ce genre d'image, en fait, sur ce genre de morceau. Donc c'est une chanson qui parle de quoi? De Dieu, de la place de la religion dans notre vie, son influence sur nos actions? Oui, c'est très fictif aussi, dans le sens où c'est comme une nouvelle, quoi. Ça attaque pas directement la religion. C'est juste comme si je devais décrire le morceau, en fait, serait comme si quelqu'un qui est croyant se levait un beau matin et se dit bon, je prie souvent et en fait j'ai jamais de réponse. Donc il y a un moment où je vais aller le chercher, quoi. Et je vais aller le voir et je vais lui botter le cul et on va voir ce qu'il a à dire, quoi. Donc il y a un côté un peu humoristique aussi là-dedans. C'est pas une critique directement, mais c'est comme une histoire, quoi. Donc j'ai lu dans les commentaires justement de ce clip, hein, quelqu'un qui te dit un titre qui place Ed Keys dans la cour des grands. Toi, t'en penses quoi? T'es d'accord avec ça? Bah en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir déjà. Alors la cour des grands, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore pour prétendre être dans la cour des grands. Je sais même pas trop ce que ça veut dire, la cour des grands. Bah nous, en tout cas, on a construit tout le projet pour que ce soit vraiment carré, qu'on fasse quelque chose de très bien, quoi. Mais du coup, oui, ça fait plaisir quand on a ce genre de retour, parce que du coup ça veut dire que quand même le projet véhicule une image solide. Et ça, c'est cool. Donc je suppose que maintenant, eh bien, la seule chose à faire, c'est d'aller défendre cet album sur scène. Exactement. Ouais, c'est quoi le programme alors? Il y a quoi comme scène qui arrive? Alors là, on a déjà passé toutes les scènes qu'on avait annoncées. Mais on va avoir des petites surprises bientôt là. Mais bon, je peux pas en parler pour l'instant parce que c'est pas du tout bouclé. C'est pas annoncé encore. Mais oui, là, on constitue déjà toute la tournée de la saison prochaine aussi. Certainement des dates qui vont tomber cet été, dont une qui va être vraiment vraiment cool en juin, hein. Deux même en juin. Bon, voilà, c'est très Je mets un peu c'est suspense hein, pour l'instant, mais en gros on va faire une belle première partie en juin là, donc dans la région de Montpellier, côté de Montpellier. Et après ben on va s'ouvrir un petit peu aux autres régions aussi. Disons qu'on a fait nos armes en local pour l'instant. On a travaillé le set, on l'a expérimenté en live, on a vu le retour des gens. Maintenant on sait où on en est, on sait où on veut aller. Et du coup là on va commencer à tourner ailleurs que dans la région. On va venir à la rencontre des gens. Et c'est peut-être ça, être dans la cour des grands aussi. C'est commencer à avoir des dates, faire des grosses tournées en France, peut-être en Europe même. C'est peut-être ça, tout simplement. Ah bah peut-être, ouais. Bah nous c'est notre objectif en tout cas, c'est sûr d'aller partager ce message partout. En Europe, ça s'ouvre ou pas déjà? Bon, en Europe, je sais pas du tout. Déjà, c'est très difficile de trouver des dates en France. Quand on vient de débarquer comme ça... Souvent les programmateurs font pas confiance directement quoi. Il faut quand même prouver déjà par le live avant de pouvoir être programmé. Donc nous là on est en train de faire nos preuves en gros en quelque sorte hein. On passe les preuves du feu en ce moment. Mais bon apparemment ça s'est bien passé. Donc effectivement on commence à avoir des belles ouvertures. Et on souhaite que ça continue comme ça. De toute façon nous on est chaud, on donne toujours tout en live. Donc ça devrait le faire. Bon, vous êtes assez présent quand même sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un passage obligatoire de nos jours, on peut difficilement faire sans. Ah oui, c'est obligatoire, il y a tout le monde sur les réseaux, c'est aussi la manière de pouvoir parler à tout le monde de façon quotidienne, enfin quotidienne, peut-être pas quotidienne, mais au moins toutes les semaines, oui, on doit quand même partager des informations, échanger avec les fans. C'est aussi la manière de garder le contact en dehors des lives, parce que même si, par exemple, les moments où on a le plus de gens qui viennent s'abonner à nos pages, c'est après des lives, quand même. Il faut quand même avoir une certaine rigueur dans la manière de poster et de communiquer. Ouais, c'est important, on est obligé d'y être. D'ailleurs, on s'est même mis sur TikTok et je suis pas fan de ça du tout. Mais bon, on essaye, voilà. On essaye d'être un peu partout, on fait au mieux, quoi. Donc, grâce à Internet, le business de la musique et notre façon surtout de la consommer a pas mal évolué. Certains disent que c'était mieux avant. Toi, t'en penses quoi? C'est différent. C'est pas la même manière de voir les choses parce que déjà, ça achète beaucoup moins en physique maintenant. Donc du coup, ça a complètement chamboulé au niveau de l'argent même, hein, de ce que les artistes gagnent. Que ce soit avec les plateformes, maintenant le streaming. C'est vrai que le streaming, ça permet à un artiste ou à un groupe d'être vraiment partout, sur toute la planète en même temps. Mais financièrement, ça, c'est vraiment, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même une sacrée vitrine. Comme nous, par exemple, là, on est rentré dans des playlists éditoriales de Spotify, de Apple Music et Napster. Rien que ça, ça nous a quand même, ça a ouvert notre visibilité à plein de gens, quoi. Donc il y a du bien et du pas bien. Il y a des trucs qui étaient mieux avant, il y a des trucs qui sont quand même bien maintenant. Le vinyle se vend beaucoup maintenant, par exemple aussi. Le vinyle revient, mais par contre le truc c'est que le vinyle, le prix de fabrication du vinyle c'est très très cher. Et vous allez le sortir en vinyle votre album, enfin les deux peut-être, faire un double. Alors le premier est déjà, il y a déjà un vinyle qui est en édition limitée. Donc il a été pressé à 200 exemplaires. Et donc qui a été masterisé, il y a un mastering totalement différent sur celui-là qui a été fait à Los Angeles par Howie Weinberg. Donc c'est le monsieur qui a fait par exemple Nevermind de Nirvana, il a fait des Deftones, il a fait Metallica, il a fait Muse, il a fait, enfin bon, c'est une légende, il a fait même l'album de Jeff Buckley et Grace. Et il nous a fait confiance et il a voulu masteriser l'album, donc du coup on s'est dit ce serait bien d'en faire une édition limitée et qui serait que en vinyle. Donc du coup elle est même pas sur les plateformes cette version-là. Et donc ça c'est voilà, pour pouvoir l'écouter on est obligé de prendre le vinyle, quoi. Je vous ai découvert grâce à votre participation au prix Ricard SA Live Music. C'est quoi ton avis sur ce genre de tremplin, de concours? Alors, on n'en a jamais vraiment fait pour l'instant. On postule souvent, comme tous les autres groupes, hein. On essaye d'être un peu présent sur pas mal de tremplins, parce que c'est vrai que c'est une super visibilité. Après, je ne sais pas vraiment comment ça marche quand on est sélectionné, mais je pense que c'est une belle... Ouais, c'est une belle opportunité de rencontrer des gens, de rencontrer un public plus large aussi. Et c'est quand même c'est des gros trucs, quoi. Donc on sait que quand on est sélectionné sur un tremplin comme ça, ça fait pas rigoler, quoi. L'avenir, tu l'envisages comment avec Edkiz? Toujours plus haut, toujours plus fort. En gros, hein, si je devais résumer rapidement, quand même. Ouais. Je sais pas. Nous, en tout cas, on n'a pas de limite. On continue de faire ce qu'on sait faire avec tout l'amour qu'on met dedans aussi, et on verra. On verra en fait. C'est un peu le mot d'ordre. C'est on sème des graines et on verra ce qui germe. Voilà. Ce serait quoi le truc le plus dingue à faire? Ouh, le truc le plus dingue. Ouais. Ouh, il y en a tellement. Ah, déjà, un petit Hellfest, ce serait pas mal. Mais tu vois, un Hellfest en tête d'affiche, quoi. Le gros truc, quoi. D'accord. Mais déjà, oui, un Hellfest en scène découverte, ce serait déjà énorme. On serait trop content de faire ça. Allez, ciao, ciao. Ciao. Salut, c'est Edge de Edkiz. Et découvrez notre premier single, Killing God, sur Hot Road. I'm gonna get you to kick your fucking ass. I'm gonna show you. I'll make you feel the pain. Got nothing to lose. I wear my rage for the journey. My gun and bottle of booze.